Lee Soo-yong, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du travail de Corée, s'est entretenu respectivement le 16 avec le président du comité préparatoire mexicain pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017, secrétaire général du comité central du Parti socialiste du peuple mexicain et le président du comité national népalais pour le souvenir du président Kim Il-sung et du camarade Kim Jong-il, secrétaire général du comité central du Parti communiste marxiste-léniniste et leur suite en séjour en Corée pour participer au 5e festival international à l'éloge des grands hommes de